Angelo. Depuis quelque temps je la voyais passer dans mon quartier. Attaquant de pointe, j'ai pas mis longtemps pour l'aborder. Le courant est passé, elle m'a dit qu'elle voulait me revoir. Qu'elle n'avait personne, qu'elle voulait d'un homme ce qui comptait. Ciné, resto, elle aime ça. Elle adore le luxe, les belles choses. Est-ce que je lui plais, je ne sais pas. Mais je ne veux pas échouer. Quand nos regards se croisent, je suis mal à jaillir. Même si mon cœur est mort, un jour je vais t'interroger. Quand nos regards se croisent, je suis mal à jaillir. Pour toi j'irai décrocher la lune. Faut pas me faire taper poteau. Faut pas me faire taper poteau. Je veux te découvrir, si seulement tu pouvais m'appartenir. Juste une histoire où tu seras l'unique à mourir. Complicité, amitié, mon souhait c'est que tu sois ma dulcinée. Au-delà de tes formes qui me font frémir ma beauté. Ciné, resto, elle aime ça. Elle adore le luxe, les belles choses. Est-ce que je lui plais, je ne sais pas. Mais je ne veux pas échouer. Quand nos regards se croisent, je suis mal à jaillir. Même si mon cœur est mort, un jour je vais t'interroger. Quand nos regards se croisent, je suis mal à jaillir. Pour toi j'irai décrocher la lune. Faut pas me faire taper poteau. Faut pas me faire taper poteau. Faut pas me faire taper poteau. Faut pas me faire taper poteau. Même si mon cœur est mort, un jour je vais t'interroger. Quand nos regards se croisent, je suis mal à jaillir. Pour toi j'irai décrocher la lune. Faut pas me faire taper poteau. Faut pas me faire taper poteau.